déjà il y a un surplomb. Là il y a un surplomb, je sais pas un surplomb, ça fait un peu. Regarde les boules. 3, 4. Ah, c'est deux bruits de planche. Ah ouais, c'est deux bruits de planche. On arrive au troisième. Avec le chihuahua, ça va pas. Allez, voilà, bruit de planche. Putain, bien cassé, ouais. Ah non, mais. Il y a les cheveux. Déconcentré, vous voulez dire. Là, le bruit, il arrive. Là. Voilà. J'ai mis la tête fille sur le. Donc 4 alors. Il faut casser les 15 corps, après c'est un barrage. Ça fait 4 alors. C'est ça, 8-4. 8-4. Voilà, ça tue. Ah, vas-y. Je suis dans le 7-7 avec 7 meufs, t'as vu ça là. T'as pas fait tes boules. J'ai pas non plus. Vous pouvez faire un signe. Allez, 12, allez.